Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. Un prix Nobel de la paix à Trump. Ah non, c'est sûr que j'allais me gâter, là, écoute. Trump, Nobel. Deux mots qui vont pas ensemble. À moins que ce soit pour un Nobel de l'hypocrisie ou un Nobel du super menteur ou un Nobel de l'épée. Ah ça oui, oui. Mais la paix, non. Non, non, moi ça, non, ça passe pas. Et il s'en trouve pour dire que ça a du bon sens, hein? Ah ben oui, ça c'est sûr. Je sais, il s'en trouve pour dire que l'esclavagisme, ça avait bien de l'allure. Fait que... Un Nobel de la paix à Trump, dont le nom même est synonyme de provocation, de menace, d'insulte, de disgrâce. Un nom qui provoque la colère, les attaques, la riposte, les conflits, la haine, qui multiplie sur son territoire l'impact des armes à feu, il l'a fait encore tout récemment, qui attise le racisme, l'homophobie, la xénophobie, qui accentue les inégalités, qui ignore même ce que sont que les relations internationales. Ce serait franchement la pire joke de l'histoire de l'humanité ou tout près. Et des mauvaises blagues, il y en a eu, hein. Mais là, écoute, un Nobel à celui qui dit n'importe quoi pour provoquer l'Iran, qui contribue évidemment pas du tout à la paix, un Nobel à celui qui donne Jérusalem à Israël par pure provocation et partisanerie, ce qui contribue énormément évidemment aux tensions, aux répliques et à l'instabilité de la région, ça c'est sûr. Mais ça n'a pas de bon sens. Même Obama, qui l'a eu, hein, moi je trouve que ça n'avait pas de bon sens, parce qu'un pays qui vend autant d'armes, qui dépense tellement en fournitures militaires, qui investit dans la guerre, qui alimente les conflits, qui assassine, exécute et provoque autant de souffrances, ben ça n'a pas de sens. Alors moi aussi, là, c'est sûr que je serais très étonné qu'on répète l'erreur de récompenser un président en début de mandat, surtout celui-là. Non, Trump, c'est sûr que non. Hein. À un moment donné, il faut que ça arrête les folies, là. Hein. Prenez juste le fait qu'il ment constamment, c'est une pathologie chez lui, là. Eh bien, Trump a changé sa version concernant Stormy Daniels. Il a admis avoir versé de l'argent pour la faire taire, mais en fait, versé en remboursant son avocat qui l'a fait, là. Et ça doit être rare qu'on verse 130 000 $ à quelqu'un pour avoir rien fait, tu sais. Donc, il mentait. Parce que jusque-là, il a dit qu'il ne savait pas là, pour les 130 000 $. Donc, il ment. Donc, c'est un menteur. Donald Trump s'était exprimé directement sur ce dossier pour la première fois le 5 avril à bord de l'avion présidentiel Air Force One, interrogé pour savoir s'il était au courant du versement de M. Cohen à Stormy Daniels. Il avait répondu non. Donc, c'est un menteur. Je sais qu'on sait, je sais que c'est un menteur chronique, pathologique, maladif, on le voit. Là. Il y a une évaluation d'ailleurs qui a été faite, je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Trump fait plus de 6 mensonges par jour. Au bout de 4 ans, il aura menti plus de 10 000 fois. 10,000 lies. Je trouve que c'est un beau titre de film, moi, ou un essai, pour résumer sa présidence. Mais on vit une époque formidable au USOV où mentir sans arrêt, donc ne pas être fiable du tout, c'est pas grave, c'est rien. Avant, quand on étudiait les sciences politiques ou la philo, on apprenait que le plus important pour un élu, c'était la confiance. La société est construite sur un contrat social basé sur la confiance. Toute la politique était, semble-t-il, basée sur la confiance. Avoir la confiance de la Chambre, par exemple, avoir la confiance du Parlement. Sans la confiance, t'es à mort. Même en économie, ça, c'est basé sur des relations de confiance. Mais puis aujourd'hui, ça a plus d'importance. Ce qu'il faut, c'est choisir les bons camps qui voteront du bon bord. Le clientélisme a remplacé la confiance. Et tout tourne autour de l'argent. Ce qui fait aujourd'hui que dès que Trump parle, ben même s'il fallait qu'il dise exceptionnellement là, la vérité, on ne peut plus le savoir. C'est l'enfer, non? Cet argent versé par son avocat, le président l'a remboursé sur une période de plusieurs mois, a dit M. Giuliani en évoquant un paiement parfaitement légal. Plusieurs mois? Ah, mais il n'est pas riche à craquer, lui? I'm very rich, believe me. répète-t-il constamment. Ben non, we don't believe you. Ici, on est mieux, par exemple, hein, chez nous. Ah oui, on est bien mieux chez nous, hein. Zampino et Catania, il s'est passé quoi déjà? Ah oui, on est bien mieux, hein. Bienvenue à Econophil. Sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog. Ben, on est là, allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre. C'est facebook.com/econophile891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons. Le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook ou encore, ben, vous allez sur econophile.net pour et vous y arriver directement. Econophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la balado qui donne accès à une ou deux émissions, ça dépend, ainsi qu'à la totalité des émissions qui, elles, sont disponibles dans la section « Émissions ». Claude Cloutier, bonjour. David Lemelin, bonjour. Écoute, monnaie, j'en ai pris une facile un peu, mais ça s'imposait. C'est comme ça, je trouve que ça va. On va parler effectivement de monnaie cette semaine. Oui, mais monnaie, je dirais au sens large, parce que des fois, dans monnaie, ça évoque le petit change. Oui, c'est vrai, d'où là. Des 5 cents et des 25 cents, mais c'est monnaie plus large. C'est l'argent, en fait, sur le langage populaire, c'est l'argent dans toutes ses dimensions. Puis il y en a beaucoup de dimensions, beaucoup de ramifications, parce que au-delà des espèces sonnantes et trébuchantes, là, au-delà des 25 cents et des UR, on peut parler de taux de change, on peut parler de crédit, de financement, d'inflation. En fait, il y a plein de sujets passionnants. Comme fidèle à mon habitude, va sortir quelque chose. Chiffres, mais c'est des chiffres qui sont peut-être inflationnaires un peu. La masse monétaire canadienne, c'est-à-dire tous les moyens de paiement qu'on a dans l'économie canadienne, en tout cas en 2015, c'est le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'était 2000 milliards, la valeur de l'ensemble de la masse monétaire. Et peut-être déjà, ça permet une nuance. Dans cette masse monétaire quand même assez impressionnante, il y en avait seulement 90 milliards en billets, c'est-à-dire des billets de 5 sur le 2000 milliards, il y a 90. Il y a 90 milliards, ça. Donc, tu vois, c'est une partie quand même infime, parce qu'il y a bien d'autres moyens de paiement qui constituent la masse monétaire. On y reviendra probablement tantôt. Effectivement. Donc, on va en parler. On va faire le tour de la question le plus possible au cours de la prochaine heure. Il y a aussi Isabelle Vaillancourt qui nous présentera sa chronique, à moins qu'elle vienne pas, je sais pas. En tout cas, bref, comment les villes utilisent les parcs pour faire du développement économique? Chose intéressante. Et puis, question de la semaine, Jean-Claude? Oui, bien, c'est un peu en lien, en cohérence, si tu veux, avec le sujet principal, là, qui est la monnaie ou l'argent. On va parler à quel prix que les monnaies s'échangent entre elles. En fait, la question serait, présentement, le dollar canadien s'échange à 78 cents US, 78 cents américains. La question serait, est-ce qu'il est surévalué ou sous-évalué? C'est un lien, dans le fond, on va se poser la même question pour le yuan, parce que M. Trump, dont tu aimes ça parler... Ça le fâche beaucoup, lui. Lui, il estime que le yuan, le renminbi, selon son nom officiel, est grossièrement sous-évalué. En tout cas, on essaiera un peu de débroussailler tout ça pour voir si M. Trump a raison. Exact. Donc, réponse de tout ça aussi en fin d'émission. I've got 90,000 pounds in my pyjamas. I've got 40,000 French francs in my fridge. I've got lots of lovely lira. Now the Deutsche Mark's getting dearer, and my dollar bills would buy the Brooklyn Bridge. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing quite as beautiful as cash. Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make a splash. There is nothing quite as wonderful as money. Money, money, money. There is nothing like a newly minted pound. Money, money, money, money. Everyone must hanker for the bunchness of a banker. It's accountancy that waits the world around. You can keep your Marxist ways, but it's only just a phase. For it's money, money, money makes the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money. Oui, je trouvais que cette chanson-là des Monty Python s'imposait aussi. Jean-Claude, commençons tout de suite la monnaie. Peut-être, j'avais envie de commencer juste pendant 10 secondes, de donner des synonymes, juste pour le plaisir, synonymes de monnaie. Monnaie, sous, cash, piastre, liquide, bien sûr, bacon, foin, pognon, fric, évidemment, il va y avoir de l'argot français là-dedans, thune, oseille, blé, avoine, rond, bigaille, grisby, denier, si on le connaît, espèce, galette, pépette, clincaille, fafio, mitraille, ferraille, flouze, hein, j'ai de la flouze, picaillon, et puis, ma préférée, vaisselle de poche. J'ai de la vaisselle de poche. Moi, je n'ai pas beaucoup, j'en ai. Donc, parlons de monnaie. C'est une histoire qui remonte à loin, qui était une solution, si on peut résumer rapidement, là, au troc, qui était pas mal, un peu plus compliqué. Oui, bien, c'est ça. Avant la monnaie, avant l'argent, il y avait le troc, mais là, c'était compliqué parce qu'il fallait, quand il fallait que tu échanges un chameau, ça valait combien de chèvres ou combien de brebis. Exact. Des fois, tu n'avais pas le change exact, il te manquait quelques chèvres ou tu en avais trop. Fait que c'était assez compliqué. Donc, ça l'a permis, dans le fond, ça l'a facilité les échanges. On a commencé, il y a bien des exemples, avant que la monnaie métallique existe, on échangeait des coquillages, par exemple, ou des choses qui étaient relativement rares. Ça revient toujours à ça. Il faut que ce soit quand même quelque chose qui est relativement rare, qu'on peut trouver facilement ramassé. En se penchant tout simplement. Mais après ça, on a remplacé ça par. Les coquillages ont été remplacés par des métaux, c'est-à-dire donc des pièces frappées. Là, on commence à se rapprocher vraiment de la monnaie telle qu'on la connaît. Donc, au début, des pièces frappées en or ou en argent. Puis avec le temps, parce qu'on manquait d'or souvent, on a commencé à utiliser des métaux plus vils, comme le nickel au Canada. Mmh. Et bien, c'est abondant au Canada quand même. Et, ou le cuivre pour les sous-noirs, ouais, qui en réalité étaient des sous-bruns. Et par la suite, on a pris confiance quand même dans le système monétaire, puis on a utilisé le papier-monnaie. Papier-monnaie, dans le fond, dans ce cas-là, c'est que ce que tu utilises, comme le papier que tu utilises, dans le fond, il y a une valeur monétaire plus grande que la valeur du papier lui-même, en tout cas dans la plupart des cas. Mm. C'est peut-être moins vrai maintenant parce que des papiers, les 20 $ sont rendus pas mal sophistiqués. Mais puis finalement, pour cette histoire-là, disons, à vol d'oiseau, très rapide, là, bien, on a introduit progressivement d'autres moyens de paiement qui sont aussi considérés comme de la monnaie. Les chèques, les virements bancaires, les cartes de débit, les cartes de crédit, puis de plus en plus des monnaies numériques, tout simplement, là, qui n'a pas rien de tangible là-dedans, c'est uniquement des codes dans des systèmes informatiques. Puis la monnaie canadienne, ça voit le jour en 1858, de ce qu'on comprend. D'ailleurs, peut-être que je mettrai le lien, ce serait intéressant, celui de Jean-Pierre Furlong, qui fait une petite rétrospective de l'histoire de la monnaie. En fait, c'était une réaction, c'était le dollar pour favoriser les échanges avec les États-Unis, là, plutôt que de se baser sur la livre anglaise de l'Empire britannique, là. Oui, puis qu'est-ce que Jean-Pierre mentionne dans son article qui est très intéressant, c'est que ça a mis fin à une espèce de chaos monétaire. Parce que l'article est très intéressant, parce que ça montre bien, ça rappelle, puis enfin, je pense qu'il n'y a personne pas beaucoup de gens qui savent ça, sauf les historiens, c'est qu'avant 1858, il y avait au Canada une pléthore de monnaies différentes. Il y avait beaucoup de banques qui avaient leur propre billet de banque. Il n'y a pas de banque centrale, pas de Banque du Canada. Donc, tu avais la Banque de Montréal pour émettre ses billets de banque. Puis il y a même des marchands, le marchand général de Trois-Rivières, c'est un exemple fictif, là, mais à peine fictif, pouvait émettre ses propres billets. Donc, c'était une espèce de cacophonie, une espèce de chaos. Puis l'introduction du billet de banque canadien a permis d'uniformiser la situation. Puis il y a eu une volonté très nette, je ne sais pas si c'est là où tu es rendu, mais d'essayer de contrôler la valeur de tout ça par l'étalon or. Ça a été majeur. Hein? Oui, bien ça, je fais lien avec ce que tu disais tantôt au sujet de la confiance qui est importante en politique, mais tu as mentionné qu'elle est importante en économie. Tu as fait raison parce que au début, je le mentionnais un peu tantôt aussi, au début, on a commencé par frapper des pièces de monnaie en or, pas en argent, parce qu'on se disait, au moins, si je me fais pas, déjà la pièce en tant que telle a de la valeur. Oui. De la valeur, sauf que l'or étant relativement rare, bon, on s'est dit, on s'est mis à avoir confiance, puis sauf qu'on a dit quand même, il faudrait que les billets de banque soient convertibles en or. C'était le régime de l'étalon or. Là, il fallait que les banques centrales accumulent des réserves d'or au cas où, très hypothétique, que les citoyens demanderaient un remboursement. C'est-à-dire qu'ils arrivent à la banque centrale et qu'ils disent, le 20 $ là, peux-tu me le rembourser, me donner des lingots d'or en place? Peut-être pas des lingots dans ce cas-là, mais disons de la poussière d'or en échange de ça. Mais on comprend la limite que ça a. Ça veut dire que physiquement, il fallait qu'ils aient dans leur coffre la capacité de vous échanger vos dollars avec de l'or. Là. Ça veut dire que c'est obligé. On comprend la contrainte. Là. On avait un grand problème parce que les mines d'or ne produisaient pas assez rapidement. Puis à un moment donné, on a remplacé ça par le système de change-or, c'est-à-dire que là, c'était surtout les États-Unis garantissaient toujours le remboursement du dollar américain en lingots d'or ou en pépites d'or ou en poussière d'or, mais les autres pays pouvaient tout simplement garantir la convertibilité en dollar américain. Mmh. Mais il reste que moi, je ne sais pas ceux qui ont vu Goldfinger, ça commence de James Bond. Oui. On parle encore de Fort Knox. Là-dedans. On n'entend maintenant plus jamais parler de Fort Knox. C'était l'endroit, je ne sais pas trop où, aux États-Unis, où où la banque, la Fed, la Banque fédérale américaine, entreposait des lingots d'or. Ouais. Et l'étalon or, ça s'est terminé en 1971. C'est une décision aux États-Unis, ça? Oui, une décision de Nixon qui, à l'époque, on ne s'est pas trop rendu compte quel était l'impact de ça, mais ça avait pour effet, dans le fond, de dire on a tout ça un système de régime de taux de change flottant, c'est-à-dire toutes les monnaies peuvent fluctuer les unes par rapport aux autres. Mais en réalité, ce que ça a eu comme effet, c'est que tout le monde a eu comme référence, finalement, le dollar américain. Puis ça a certains effets pervers dont on pourrait parler tantôt. C'est des effets bénéfiques pour les États-Unis, mais Trump ne semble pas en être conscient. Je voulais juste lire une petite affaire que j'ai ressortie, parce que tu as parlé tantôt d'espèces sonnantes et trébuchantes, hein, qui est quand même une expression qu'on connaît. Je sentais que tout le monde l'a entendu, mais de savoir, de se rappeler d'où est-ce que ça vient. C'est l'expression espèces sonnantes et trébuchantes. Ça signifie que la monnaie est sous forme de pièces et non de billets. L'origine de la locution vient du trébuchet, qui était au 14e siècle une petite balance qui était faite pour peser de l'or ou de l'argent, ainsi que des bijoux. Une pièce trébuchante était alors une pièce qui avait le poids requis lorsqu'elle venait de passer sur le fameux trébuchet. À partir du 16e siècle, des espèces sonnantes et trébuchantes étaient des pièces de monnaie, mais au fur et à mesure que le temps passa, cette désignation s'est étendue à toute forme d'argent, comme les billets, les chèques et cartes bancaires, parce qu'on dit effectivement ça même pour ça. Le mot sonnante, évidemment, se rapportait au bruit que les pièces faisaient quand elles se cognaient entre elles. L'expression des espèces sonnantes et trébuchantes signifiait donc de vraies pièces. Voilà, un peu de... Oh, maintenant, il y a aussi... Est-ce que tu avais d'autres choses sur l'aspect historique? Parce qu'il y avait l'abandon du sou, que peut-être qu'on aurait pu aborder. Bon, on va y arriver de toute façon tantôt, parce qu'on va quand même parler qu'il y a une menace sur la monnaie, c'est-à-dire qu'on pense de plus en plus à abandonner les espèces sonnantes et trébuchantes, de même que les billets de banque. Mais peut-être continuer un petit brin d'histoire, c'est-à-dire de... La monnaie, j'ai mentionné un peu brièvement tantôt que c'est, en fond, c'est tous les moyens de paiement. C'est bien sûr les sous puis les papiers-monnaie. C'est aussi des carnets de chèques, c'est aussi des cartes de débit. Mais il y en a plus large que ça, des moyens, y compris des moyens qui sont purement privés encore, mais qui ont quand même beaucoup moins d'impact. Je vais donner deux exemples locaux. L'argent canadien tailleur, à la limite, c'est un moyen de paiement. Sauf que, évidemment, l'inconvénient, tu peux juste acheter chez canadien tailleur avec ça. Mais ici même, à Limoilou et dans la région de Québec, il y a un projet de création de monnaie locale. Oui. Il y en a un peu partout dans le monde, puis qui fonctionne relativement bien en Suisse et en France, par exemple. Mais ici, à Limoilou, à Québec, dans la région de Québec, on a le blé. Tu as utilisé tantôt l'expression le blé. Oui. Ici, on a trouvé l'acronyme avec billet local d'échange. C'est l'argent local de Québec. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez seulement aller sur Internet, puis il y a moyen de s'acheter des blés puis des dépensiers dans la région de Québec. Je vais essayer de leur vendre, moi, la vaisselle de poche. Ou la clincaille, c'était pas pire. Fafio, j'aimais ça aussi. La flouze. Hey, as-tu de la flouze? On fait une petite pause pour retour. On va parler de l'utilité aussi de la monnaie dans quelques secondes. Jean-Claude, allons-y maintenant. Pour ce qui est de l'utilité, évidemment, on a créé une monnaie, ça sert à quelque chose. Il y a trois fonctions de base qu'on dégage là, toujours traditionnellement quand on fait des cours d'économie, c'est ça en tout cas? Oui, c'est important de se le rappeler, mais il y en a plus que toi en réalité. Mais on va commencer par les trois. Oui, il y en a une quatrième au moins. On mettrait même plus que ça. Okay. Mais, en tout cas, il y a au moins les moyens d'échange, effectivement. Bon, je vous l'ai déjà répété à quelques reprises. Au cours de l'histoire, on a inventé toutes sortes de moyens, finalement, pour faciliter les transactions. Quand on a acheté ou à vendre quelque chose, bien, c'est pratique d'avoir un outil, là, c'est-à-dire que quelque chose que tu peux échanger en contrepartie du bien ou du service que tu achètes, c'est la monnaie, c'est une fonction d'échange, mais aussi une unité de compte. c'est encore là, ça va un peu de soi, mais il faut se dire que si on n'avait pas, on serait bien embêté. C'est-à-dire, ça permet de dire telle chose, ça vaut tant. C'est-à-dire, c'est-à-dire un Big Mac, ça vaut 6,5 piastres ou c'est important de le savoir. Ou trois livres. Ben puis surtout quand tu. C'est ça. Fait que ça, c'est une unité de compte, c'est-à-dire c'est une unité de mesure finalement pour un peu se permettre de comparer les biens entre eux. C'est-à-dire un Big Mac coûte plus cher qu'un Tin Burger ou moins, je ne sais pas trop, je ne suis pas allé voir récemment. Et la troisième fonction, ce serait le réservoir de valeur. Puis ça, moi, je trouve ça très important parce que c'est tout en lien avec ce qu'on appelle la financiarisation, c'est-à-dire que c'est toute la question de l'épargne, finalement. C'est-à-dire que tu épargnes parce que ton épargne, évidemment, est libellée, est inscrite en valeur monétaire. Ça veut dire que tu as confiance que tu mets ta richesse de côté puis que tu vas pouvoir la récupérer un jour. C'est un réservoir de valeur. Tu as gagné tant, tu as tel montant que tu peux épargner, disons, 10 000 $ dans ton année, bien, tu as confiance que le 10 000 $ tu vas pouvoir le récupérer, puis il va avoir encore de la valeur. Peut-être même qu'il va avoir pris de la valeur, peut-être qu'il va en avoir perdu aussi, mais dans X années. Donc, c'est un réservoir de valeur. Ça permet de ne pas être obligé de consommer immédiatement la production ou la richesse que tu as créée. Il y a aussi, bon, il y a la partie, quand je parlais de quatrième, c'est celle de l'économie au noir aussi. Évidemment, il y a ça, là. Il y a le côté occulte de la chose qui existe, qui en est une autre. Bien, ça, c'est une variable du moyen d'échange. Mais oui, tu as raison. C'est-à-dire, ça fera partie tantôt de quand on regardera les inconvénients d'abandonner la monnaie, là, éventuellement, de l'abandonner pour des processus numériques. Bien, il y avait notamment le marché noir. Les gens du marché noir vont être un peu malheureux de ça. Mais moi, j'allais ajouter un avantage qui est plus global, là, qui incorpore les trois autres. C'est un outil d'efficience de l'économie. L'économie, c'est comme de l'huile d'un rouage de l'économie. Prenons l'exemple tantôt des temps là, anciens, où quand on voulait échanger un éléphant pour trois chameaux, c'était pas très, très pratique. Mais quand tu peux vendre ton éléphant, là, je sais pas, 100 000 $ bien, c'est plus facile à faire, si tu veux. Ça met de l'huile d'un rouage. Puis ça permet, encore une fois aussi, au niveau du réservoir de valeur, de mettre en relation de façon simple ceux qui ont trop d'argent et ceux qui n'ont pas assez. Ceux qui ont de l'argent à placer, puis ceux qui veulent en emprunter. Puis ceux qui veulent en emprunter, ça peut être des gouvernements, des citoyens, des individus, des ménages, mais aussi des entreprises. Donc, c'est vraiment un outil absolument génial, absolument essentiel au fonctionnement de l'économie moderne. J'ajouterais peut-être, si tu permets, David, parce que j'avais aussi trouvé, à un niveau plus psychologique, l'argent, c'est un objet de désir. Freud voyait ça comme il y avait du fétichisme de l'argent. Yeah. C'est un objet de prestige. Puis c'est qu'on aime ça afficher qu'on a de l'argent. Puis, il y a des gens comme ça, ostentatoires, hein, qui aiment les dorures, puis qui sont dans des maisons blanches. Ça existe, c'est vrai. J'ajouterais peut-être, mais là, c'est peut-être un inconvénient, c'est même une des principales causes de divorce. Ah oui, il y a un enjeu, en tout cas, il y a quelque chose, c'est sûr. Est-ce qu'on serait rendu politique monétaire, si on veut, si on suit le plan de match, ou tu as encore des choses à dire? Là, on a montré les avantages, mais il y a peut-être des pièges aussi rattachés au fait qu'on dépend beaucoup de l'argent, que l'économie dépend beaucoup de l'argent. Et puis, des grands économistes comme Keynes ou Pigou, deux économistes qu'on a mentionnés à quelques reprises déjà, Pigou lui parlait du voile monétaire, c'est-à-dire la monnaie, là, ça nous illusionne, puis Keynes a utilisé la même expression également, l'illusion monétaire, qui fait que les gens, des fois, s'attachent trop aux chiffres, à la valeur de l'argent, puis ils oublient qu'est-ce que ça représente. Puis des fois, ils se font un peu jouer des tours. Je donne deux évidemment, l'exemple classique, c'est les salaires puis les prix. C'est les gens disent, ah, ben oui, mon salaire a augmenté, c'est le fun, mais ils oublient de considérer qu'en même temps, les prix ont beaucoup augmenté. Puis des fois, c'est l'inverse aussi. Ça, c'est un exemple facile. Mais l'autre exemple plus pernicieux, là, c'est en lien avec le taux de change. Moi, ça me fascine toujours quand les gens disent, hey, je vais aller magasiner à Plattsburgh, ils vendent pas les Big Macs sont moins chers. Je peux m'acheter des jeans, des Levi's pour moins cher. Oui, mais les gens oublient toujours de calculer le taux de change. Je dis, c'est bien beau. Oui, mais c'est parce que tu compares des dollars américains et canadiens. Là. Fait qu'il y a une espèce de... Ça peut être pernicieux si tu n'es pas alerté, si tu ne réfléchis pas toujours en termes réels. Qu'est-ce que veulent dire les valeurs monétaires? Bien sûr, c'est à quoi on pourrait rajouter le coût de l'essence pour se rendre, le restaurant que tu as pris pour y aller, celui que tu as pris pour revenir. Finalement, au bout du compte, tes jeans ont coûté plus cher. Ils ont coûté moins cher, mais tu as fait un petit voyage. Oui, c'est ça, c'est ce côté-là. Est-ce qu'on est rendu à la politique monétaire? Oui, bien, c'est ça, oui, parce que finalement, on ne peut pas... tout explorer, tous les recoins. Mais oui, la politique monétaire qui est, la monnaie sert un des principaux instruments de politique des gouvernements, de politique économique des gouvernements. Ça peut à la fois aider à combattre les cycles économiques. Quand ça va mal, on baisse les taux d'intérêt. Quand il y a des menaces d'inflation, on va augmenter d'autres intérêts. Ça peut être aussi un outil pour augmenter la compétitivité de l'industrie, de l'économie. Et dans ce cas-là, c'est qu'on va jouer sur le taux de change, ou on va jouer sur les taux d'intérêt aussi, mais surtout sur les taux de change. Si on baisse les taux d'intérêt, évidemment, c'est plus facile d'investir pour les entreprises. Si on joue sur le taux de change, si on baisse le taux de change, je dis encore une fois, c'est ce que Trump reproche aux Chinois. Il n'y a peut-être pas tard, on verra ça tantôt. Mais si tu joues sur le taux de change, ça peut t'aider à acquérir une certaine compétitivité par rapport à la concurrence internationale. Donc, c'est un outil quand même important qui a pris beaucoup d'importance. Il est beaucoup associé au néolibéralisme parce que à partir des années 80, là, on a dit on met Keynes de côté, on met les politiques keynésiennes basées sur la fiscalité et les dépenses publiques. On remplace ça par la gestion de la masse monétaire. Sous l'influence de Milton Friedman, qui est d'école de Chicago, là, qui est associé à la politique monétaire, au monétarisme, ce qu'on appelle littéralement le monétarisme. Puis là, la prétention de Friedman puis des monétaristes, c'est de dire que si on joue juste sur la croissance de la masse monétaire, puis ça veut dire, dans le fond, jouer sur le taux directeur de la Banque du Canada, les taux d'intérêt, on est capable de gérer de façon très harmonieuse la croissance de l'économie. Ça a eu un certain succès, il faut l'admettre, mais là, je pense qu'on a vu les limites. Là, quand les taux directeurs des différentes banques centrales étaient quasiment rendus à 0%, tu n'avais plus bien d'outils là, pour jouer sur les cycles économiques. Si on prenait l'exemple, parce que là, tu as expliqué un certain nombre de choses, on a peut-être perdu un peu de monde au passage. Là. Juste quand on décide qu'on baisse, par exemple, le taux, qu'est-ce que ça a comme impact? Quand on le montre, qu'est-ce que ça a comme impact? Par exemple, sur les exportations, je voudrais juste qu'on l'illustre un petit peu, qu'on comprenne. Il y a deux éléments. C'est vrai, je suis allé un petit peu vite, puis c'est pas trop facile. Tu réécouteras en balado, tu vas voir. Je suis tout à fait d'accord, mais regarde, le taux directeur, ce qu'on appelle le taux directeur de la Banque du Canada, c'est le taux auquel la Banque du Canada prête aux banques privées, c'est-à-dire la Banque sur de Montréal. Jour. Sur un jour, la Banque de Montréal peut, par exemple, manquer un petit peu de liquidité parce qu'il y a bien du monde qui veulent encaisser leur dépôt, qui veulent retirer leur argent. Fait qu'elle va emprunter à la Banque du Canada. La banque va si elle baisse son taux d'intérêt, bien, ce sera plus facile pour les banques privées d'emprunter. Elle pourra probablement prêter davantage d'argent. Vous comprenez, parce que ça coûte moins cher d'aller le chercher. Exactement, oui. Puis donc, ça joue également sur le taux où les banques se prêtent entre elles. Exact. Parce que la Banque de Montréal peut emprunter de l'argent, la Banque nationale, si jamais la Banque nationale en a trop. Ils se changent constamment des liquidités entre elles comme ça. Mais ça joue aussi également le taux. Ça a un impact sur les taux d'intérêt dans l'économie. Et là, ça peut. Si tu baisses le taux, bien, les investisseurs étrangers vont être moins intéressés à venir acheter des obligations d'épargne ou à venir, de toute façon, placer de l'argent au Canada. Ça placer de l'argent quand les taux sont bas, ça ne rapporte pas. Donc, souvent, d'ailleurs, on dit qu'on va plus vers les actions, des choses qui ont plus à risque et qui ont plus de rendement parce que c'est moins intéressant. Bon, bien, ce que ça veut dire, c'est parce que la monnaie, on ne l'a pas mentionné tantôt, mais c'est aussi, jusqu'à certains points, considéré comme un bien que tu peux acheter. Il y a une offre, une demande. Pour la monnaie, pour le dollar canadien, par exemple, si tu baisses le taux d'intérêt, c'est moins intéressant pour les investisseurs étrangers d'acheter des dollars canadiens pour investir au Canada, soit en placement, soit en investissement réel. Et à ce moment-là, la demande étant moins grande pour le dollar canadien, bien, c'est-à-dire le dollar perd de la valeur, c'est-à-dire qu'il se déprécie, tout simplement. À l'inverse, si on demande le taux directeur, bien là, le taux de change peut monter. Parce qu'il y a une demande plus forte pour le dollar canadien. Puis juste un mot, peut-être aussi, ce que j'ai dit juste une fois, l'exportation, ça a aussi un effet direct là, sur les exportations. Quand nos produits coûtent moins cher à acheter, c'est plus facile à envoyer chez le voisin, on comprend. Exactement. Puis c'est encore là, c'est le jeu du taux de change. Là. Puis on y reviendra tantôt dans notre question de la semaine. Excellent. Donc, Jean-Claude, on va faire peut-être là-dessus une courte pause. Puis au retour, bien, on va poursuivre sur nos petites explications sur la monnaie dans un instant. C'est l'émission Econophile qui se poursuit à CKRL 89.1 avec David Lemelin au micro et la collaboration de l'économiste Jean-Claude Cloutier. On parle de monnaie, de bacon, de cash, de foin, de vaisselle de poche. Jean-Claude, où est-ce qu'on est rendu dans notre périple? Ben, je parlais de la politique tantôt, puis on vient de parler de politique monétaire, mais aussi la politique avec un grand P, la politique politicienne. Mais il y a un lien entre les deux, je dirais. Parce que la monnaie, c'est aussi beaucoup en lien avec la fierté nationale. Et ça pose des questions. Du point de vue économique, ben, la première question qu'un pays a à se poser, c'est que est-ce que je vais avoir ma propre monnaie oui. ou est-ce que je vais être en union monétaire avec d'autres pays, c'est-à-dire on va partager la même monnaie, donc la même politique monétaire éventuellement. Tu mentionnais tantôt l'exemple du Canada. C'est un peu ce qui est arrivé au Canada en 1858, c'est-à-dire qu'on a décidé d'uniformiser, d'avoir, peut-être, on aurait peut-être pu dire dans ce cas-là, plus 1867, parce que là, on a fusionné, on a 3 ou 4 provinces, là, les provinces maritimes, le Québec et l'Ontario, puis on a décidé d'avoir la même monnaie. Ouais. Donc, on a fait une union monétaire, c'est-à-dire plutôt qu'avoir une monnaie du Québec, une monnaie de l'Ontario, on avait la monnaie canadienne. Mais on a des exemples plus récents que ça. On a la zone euro, par exemple, où je me souviens plus qu'il y a combien de pays, dans une quinzaine, peut-être une vingtaine. Présentant dans la zone euro, bien là, on a décidé d'avoir partagé la même monnaie. Tu n'as plus de francs, tu n'as plus de marque, tu n'as plus de drachme, tu n'as plus de lire, tu as l'euro. Et avec, par contre, les inconvénients que ça comporte, c'est-à-dire que tu n'as plus de contrôle sur ta politique monétaire. Tu as un contrôle en fin indirect, c'est via la Banque centrale européenne. Mais comme pays, tu n'as pas de contrôle. Tu n'as plus de contrôle, puis donc il y a peut-être une perte, dans le fond, d'un levier économique intéressant. Puis la crise de l'euro au tournant des années 2010, qui était marquée beaucoup par la crise notamment des pays méditerranéens comme la Grèce, c'est que dans le fond, c'est que la Grèce puis l'Allemagne, t'as obligé d'avoir la même monnaie alors que l'Allemagne est hyper compétitive puis la Grèce l'était beaucoup moins. Alors que la Grèce devait, dans le fond, avait beaucoup de difficultés à être compétitive avec, au niveau de l'Europe, finalement. Ça a été une grande difficulté pour eux autres à ce moment-là. Et pourquoi on fait ce choix-là? On choisit, dans le fond, d'abandonner du contrôle pour de la stabilité? C'est quoi le... Oui, bien c'est ça. L'avantage de te rattacher à une plus grande entité, finalement, c'est que ça permet d'atténuer les risques, t'as plus de réserves. Mais dans le cas de l'euro, il faut dire aussi que c'est un peu rattaché à la politique européenne, c'est-à-dire qu'on a des compensations, on a des subventions pour les pays plus en difficulté. Mais c'est plus une question de prévisibilité, parce que revenons à l'exemple du Canada qui est un peu plus facile à comprendre, c'est-à-dire que t'abolis, dans le fond, des barrières, c'est-à-dire pour un Québécois pour vendre des produits en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, sauf si c'est de la bière, bien, c'est pas trop compliqué parce que t'as pas converti ta monnaie québécoise en monnaie ontarienne, t'as la même monnaie. Donc, c'est un facteur... Pour la circulation des produits, on comprend. Ça réduit l'incertitude. C'est ça, c'est que... Bien, ça pose la question de la zone monétaire optimale. T'sais, moi, là, tout ça, mais ça me paraît important, cet élément-là. C'est-à-dire que c'est quoi l'ampleur, la grosseur d'un pays qui combien de pays tu peux mettre ensemble dans une même union monétaire sans que ça crée des tensions? On l'a vu, on l'a dit tantôt, entre l'Allemagne et la Grèce. C'est pas un mariage évident au point de vue monétaire. Mais au Canada, on a vécu ça souvent aussi parce que je me rappelle au début des années 80, j'ai déjà mentionné ça à l'émission d'ailleurs, les taux d'intérêt dicté par la Banque du Canada était beaucoup trop élevé pour l'industrie québécoise parce qu'on avait besoin d'investir, nous autres, mais la Banque du Canada mettait les taux d'intérêt très hauts pour prévenir l'inflation à Toronto, à Calgary ou à Vancouver. Donc, on voyait que la zone monétaire, en fait, l'Union monétaire canadienne était trop vaste. Les économies de l'Ouest, du Centre, de l'Ontario, des Maritimes sont trop différentes, finalement, pour que ce soit toujours facile de vivre avec une même monnaie. Donc, il y a une espèce de dimension, là, qui a des arbitrages à faire à ce niveau-là. Ce qui est fascinant aussi, c'est que dans le cas de la monnaie américaine, c'est aussi un dollar refuge. Hein. Il y a des pays dans le monde qui prennent le dollar américain parce que c'est mieux. Oui, bien c'est ça. Ça revient à la question de la fierté nationale. Il y en a qui disent, ben moi, de toute façon, pour assurer les investisseurs ou faciliter la vie des commerçants, j'utilise le dollar. Je mets un taux de change fixe par rapport au dollar américain. C'est le cas de l'Argentine, par exemple. Ou c'est le cas même de certains pays qui disent, ben moi, j'utilise le dollar américain, ça finit là. C'est ça ma monnaie nationale. Sauf que là, tu rassures peut-être, tu facilites peut-être le commerce jusqu'à un certain point, mais tu n'as plus aucune politique monétaire. Tu peux plus jouer sur le taux de change. Ton taux de change, c'est le taux de change du dollar américain. Ouais. Donc, tu te prives d'un outil. Puis, en termes de... Bien, c'est ça, le choix se pose au Québec. Puis ça a été... La question se pose quand on parlait de l'indépendance du Québec. On n'en parle plus beaucoup de nos jours, mais à certaines époques, là, il y a quelques années, c'était une hypothèse qui fascinait bien des gens. Mais la question se posait toujours, est-ce que le Québec va avoir sa monnaie nationale. Oui, puis on s'en moquait en sortant la pièce à l'évêque. On sortait la pièce à l'évêque. On disait qu'il était à 76 sous canadiens, fait qu'on s'en moquait. Puis il y avait des fédéralistes, des tenants de l'option fédérale qui disaient « Ah, ben vous autres, le Québec, si vous êtes indépendant, vous n'aurez même pas le droit d'utiliser le dollar canadien. » Ce à quoi Parizeau avait répondu. Il n'y a rien qui nous empêche d'utiliser le dollar canadien. Il y avait des plaintes de ressortissants étrangers dans d'autres pays qui détiennent des dollars canadiens. On pourrait le faire si on veut. Ça, c'est un fait, d'ailleurs. Ça, c'est une question des fois qu'on se pose en jasant de politique. On dit, ah, mais de toute façon, l'argent canadien, c'est au Canada. En fait, non. La question se pose encore, mais il reste que dans ce cas-là, le Québec aurait eu les inconvénients que je mentionnais tantôt, c'est-à-dire que tu n'as pas géré la monnaie, mais justement, n'ayant pas la gérer, tu n'as pas les avantages de la gestion non plus. Mmh. Tu peux plus jouer sur le taux de change, tu peux plus jouer sur le taux d'intérêt. Tu es un peu dépendant de tout. Les spectateurs, effectivement. Oui. Jean-Claude, le temps file. Si on y allait maintenant avec la portion suivante, à moins que tu aies quelque chose pour clore ce bout-là, là, avant qu'on arrive à la disparition peut-être de la monnaie. Oui, c'est un phénomène inquiétant, la disparition de la monnaie. Oui, disparition de la monnaie. J'avais un petit article moi, là-dessus. Je vais juste aller vous le chercher rapidement. Les billets de banque et les pièces de monnaie en voie de disparition, question qui est posée 26 décembre 2017, donc ça fait quelques mois de ça. Les statistiques le confirment, les Canadiens effectuent de moins en moins de transactions en argent comptant. Ils privilégient de plus en plus les paiements électroniques. Cette tendance pourrait signifier la fin des billets de banque et des pièces de monnaie plus rapidement qu'on le pense. Et juste quelques statistiques. Selon Paiement Canada, 42 % des transactions ont été effectuées en argent comptant au pays en 2011. 5 ans plus tard, ça avait chuté de 42 à 31, donc 9 % en 5 ans. Si bien qu'on dit, vous pouvez certainement anticiper que d'ici 25 ou 30 ans, l'argent liquide au Canada aura disparu. Ça, c'est Claude Breton de la Banque nationale du Canada. Qu'en penses-tu? Bien, je pense c'est une bonne question, hein, quand même. C'est une très bonne question, puis effectivement, il y a une tendance, là, puis il y a même des grands économistes, quoi, notamment Rogoff, là, qui est un économiste assez connu aux États-Unis, puis un spécialiste des questions monétaires, qui lui préconise ça, même pour les États-Unis. Il dit qu'on devrait abandonner au plus vite la monnaie comme telle. Là, puis ça, dans le fond, ça veut dire se fier juste sur des instruments électroniques, de la monnaie plus numérique, plus dans des systèmes informatiques, parce que... les avantages, c'est sûr qu'il y aurait des avantages. Puis il y a des, je devrais, avant d'entrer dans les avantages, dire que la Suède est le pays le plus avancé présentement là-dessus. Oui, il y a des commerces qui refusent là, la monnaie. Il y en a même beaucoup. J'ai lu un article justement hier là-dessus, c'est qu'en Suède, là, c'était aussi bien de pas trop, le cash n'est pas vraiment nécessaire. L'argent sonnant, là, ton portefeuille, tu as besoin de ta carte. Tu as besoin de ta carte de crédit ou de ta carte de débit. De plus en plus, en tout cas. Puis les marchands refusent. Mais parmi les avantages, bien, c'est qu'effectivement, il y a... Et pour les commerçants, et pour la Banque du Canada, et pour le pays, c'est du trouble. C'est des frais, c'est des coûts. Parce que produire des billets de banque, produire des dollars, des UR, ça coûte de quoi? Ça coûte des matériaux. C'est une gestion. Faut que tu fasses, faut que tu transportes, faut que tu engages des camions blindés, faut que tu opères des guichets automatiques, à moins que tu décides de les fermer, comme on l'a vu. Oui, c'est possible. Ça commence à arriver. Mais puis les marchands, eux autres, à la fin de la journée, faut qu'ils trient l'argent qu'ils ont reçu, faut qu'ils voient sa balance. Il faut qu'ils remettent ça dans un sac et envoient ça à la banque. Ils peuvent se faire voler, ils peuvent arriver toutes sortes de choses. Puis le coût, c'est ce qui expliquait notamment la disparition du sou. Ça, on l'a vu aller. On dit, regarde, quand c'est rendu que ça coûte plus cher le sou que ce qu'il vaut, on arrête. Bien, c'est ça. Puis parmi les autres avantages, évidemment, un avantage énorme, c'est la lutte au crime, c'est la lutte au travail au noir, parce que les dollars, les autant en coupure de 100 ou de 1000, c'est très pratique pour le travail, le crime organisé ou le travail au noir. C'est une lutte à l'évasion fiscale aussi, parce toutes les transactions apparaissent. C'est dans l'ordinateur à quelque part. Tu peux pas le cacher. Il y a même qui ajoute des avantages au niveau de l'hygiène. Ça, j'en doute un peu, mais on peut comprendre pourquoi. Il reste que c'est manipulé par des mains humaines. Donc peut-être que ça pourrait véhiculer des bactéries. Ben, il y a quand même des inconvénients si on les aborde, parce que si on centralise le tout entre des mains d'ordinateur, on l'a vu récemment, il peut se passer des choses. C'est-à-dire que l'inconvénient que je vois, mais ce n'est pas mentionné nulle part, c'est qu'il y a le cyberterrorisme, puis il y a surtout les cyberpannes, c'est-à-dire même des pannes électriques. Si c'est une panne électrique qui fait que tout ton système informatique est en panne, automatiquement, ton système de transaction électronique est en panne. Fait que là, si tu n'as plus de billets nulle part, tout ce qui te reste, c'est ta carte de plastique, tu ne peux plus rien acheter, plus rien payer. Mais en contrepartie de ça, on pourrait citer quand même le cas des banques irlandaises, qui est un exemple. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire. J'ai lu ça hier, ça m'a fasciné. C'est un épisode que je ne connaissais pas, mais en 1971, en Irlande, il y a eu une grève des banques. C'est quand même, il faut le faire. Fait que là, ils ont été pendant 6 mois sans banque, sans système bancaire en Irlande. Mais ils ont réussi à fonctionner très bien parce que les gens se faisaient des chèques, puis les chèques étaient encaissés dans les pubs locaux parce que tout le monde avait confiance. C'est un lieu de réunion fait très, très convivial. Apparemment, en tout cas, les pubs en Irlande, les gens avaient confiance au serveur, au propriétaire, au tenancier du bar, qui achetait les chèques. Puis le chèque, bien, il s'en servait pour acheter des fournitures, acheter de la bière. Ça circulait localement. Ils ont fonctionné pendant 6 mois sans système bancaire et sans monnaie, pratiquement. Pour acheter de la bière, les vraies priorités. Jean-Claude, mot de la fin là-dessus, peut-être, parce que ce qu'on regarde, c'est que, bon, si on se débarrassait de la monnaie, peut-être, mais ce qui est aussi frappant quand on lit sur la monnaie, c'est de voir à quel point, quoi qu'il en soit, quoi qu'on fasse, c'est la financiarisation qui s'impose. Ça, c'est frappant. De plus en plus, mais il reste que malgré tout, ce que j'ai lu là-dessus, c'est que même s'il y a une tendance finalement à recourir de plus en plus aux instruments financiers, puis notamment aux cartes de débit, aux cartes de crédit, puis aux autres moyens électroniques, le volume de billets en circulation continue d'augmenter quand même. Pour une raison qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais il semble qu'il y a bien des gens qui aiment encore avoir, malgré tout, même s'ils ne s'en servent pas beaucoup, ils s'en servent de moins en moins, mais ils aiment ça avoir du cash sous la main, du blé sous la main. Ah, viande à chien. Merci, Jean-Claude. Allons-y, Isabelle, bonjour. Es-tu là? Allons-y. OK, bon, oui. C'est bon. Merci beaucoup, madame. On va parler de la valeur économique des parcs. C'est intéressant, hein, parce que encore là, c'est une application concrète sur des choses qui ont l'air. Oh, un parc, qu'est-ce que ça nous donne, un parc? Non, en fait, on le sait, hein, c'est beau. Ça, tout le monde oui, le sait, beau. On s'entend tous là-dessus. C'est le fun, parce que souvent, on va faire des activités de loisirs, mais ce que je voulais vous démontrer aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, c'est beaucoup plus. C'est un article qui a été publié dans l'American Planning Association, et en fin de compte, ce qu'on veut démontrer, c'est que les parcs, c'est un bon investissement pour une communauté, et si les décideurs comprennent ça, en fait, ben ils vont sentir moins coupables d'investir dans créer des nouveaux parcs, mais aussi d'investir un peu d'argent dans l'entretien des parcs, puis c'est un peu ce que je voulais démontrer aujourd'hui. C'est 5 bonnes raisons d'investir dans plus de parcs. Et ça, vraiment, ça date pas d'hier. Il y a plus de 100 ans, écoutez, c'est Frederick là, Olmsted, il a mené une étude sur la façon dont les parcs contribuent à la valeur des propriétés. On a pris l'exemple de Central Park, en fait. En fait, il a analysé la valeur des propriétés autour. Lui, ce qu'il voulait faire, en fait, il voulait justifier la création de Central Park. Ça a coûté 13 millions de dollars, hein, qui était quand même beaucoup à l'époque. Et il a étudié entre 1856 et 1873. Il a suivi en fait la valeur des propriétés et en fait il a constaté que sur la période de 17 ans, il y avait une augmentation de 209 millions de dollars des valeurs de propriétés qui étaient autour du parc. Donc c'est vraiment pas négligeable. Autre exemple, écoutez, ensuite de ça, les études se sont multipliées pour justement démontrer que les parcs, c'est important. Au Tennessee, Chattanooga, au début des années 80, problèmes de criminalité, pollution de l'air, c'était déprimant, taux de chômage élevé. Et on a acheté une bande de terrain pour faire des sentiers, mais aussi un parc. Et finalement, on a observé l'augmentation de la valeur des propriétés de plus de 11 millions de dollars. Ça représente 127 %. Hein? Non, c'est vraiment pas négligeable. Voulez-vous d'autres exemples, Atlanta? Ah, c'est du foin, ça. Ouais, vas-y, continue. Parc olympique du centenaire, les prix des copropriétés sont passés de 115 à 250 $ le pied carré après la construction de cette espèce de parc-là. Donc c'est vraiment pas négligeable. Parce que, de toute façon, les gens recherchent, ça ajoute la qualité de vie, puis la qualité de vie, ça a une valeur, dans le fond. Absolument. Les gens sont prêts à la payer. C'est ça qui est intéressant. Puis, vous savez, ici, ben, on vous en parlait, on en a parlé au niveau municipal, mais évidemment, c'est ma deuxième raison, mon deuxième point, si vous voulez, aujourd'hui, c'est les revenus municipaux qui augmentent. Évidemment, c'est loué avec la valeur des propriétés. Hein. En fait, l'augmentation de la valeur des propriétés, l'augmentation des recettes municipales vont de pair. L'impôt foncier, on le sait, c'est la source de financement des municipalités. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est comme ça aussi qu'on amène du tourisme, c'est-à-dire que les gens vont consommer les commerces de détail qui sont autour, comme ici, sa 3e avenue, si on a un parc près, mais aussi, c'est des dépenses qui sont liées au tourisme qui amènent des gens. Écoutez, je reviens sur mon exemple de Central Park, qu'on a parlé de 209 millions de dollars, que ça avait augmenté la valeur des propriétés, mais sur cette même échelle-là, là, d'année, on est allé chercher 4 millions de dollars au niveau de recettes municipales juste pour Central Park. Ça a même permis, en fait, le bâtiment a fait des bénéfices cette année-là. Donc, il n'y a personne aujourd'hui qui remet en cause Central Park. Là. Non, effectivement. Non, vraiment pas. Écoutez, j'en ai plein d'exemples. Boulder, au Colorado, ils ont fait un parc, 500 000 $ de recettes fiscales annuelles de plus. À San Antonio, Texas, c'est le Riverwalk Park qui a été créé pour 425 000. Il y a des petits cafés, des boutiques et tout ça. Ça, ça amène à l'industrie touristique 3,5 milliards de $ à la ville. Fait que les exemples, ils sont très, très, très, très nombreux. Si on continue, t'es rendu au point 3? Au point 3, oui. Je veux pas brûler mon punch en disant le point 3, mais connais-tu les Grampy? Les Grampies? Oui, là, je vais prendre ma feuille. Je l'ai lu, mais je vais dire non. Non, OK. C'est les... faut que je le retrouve. C'est les Growing Number of Retired Active Moneyed People in Excellent Shape. En fait, en français, c'est le groupe grandissant de riches retraités dynamiques et en bonne santé. Voilà. Et eux, ce qu'ils font... je sais pas si le modèle pourrait s'appliquer. Évidemment, là, on est plus aux États-Unis, là. Mais en fait, c'est des gens qui sont en bonne santé, qui ont une espérance de vie quand même relativement bonne, qui sont prêts à dépenser, qui n'ont pas beaucoup de dépenses. Souvent, ils ont une bonne pension, on pense aux militaires et tout ça. Et eux, ils sont prêts à déménager, à se déplacer. Et on a fait une étude pour retracer combien... en fait, c'est quoi qui les attirait. Et dans les caractéristiques qui sont ressorties, il y avait les trois premiers. En fait, c'était la beauté des paysages, les possibilités de loisirs et le doux climat. C'est sûr que le doux climat, là, nous... on ça dépend peu... quand. c'est ça. On en perd. Nous autres, on perd des gens. Là. Donc, vraiment, ces gens-là, ce qu'ils disaient dans l'article qui est intéressant, c'est que souvent, eux, ils vont payer des taxes municipales, mais ils n'en ont pas besoin parce que leurs enfants ne vont plus à l'école, mais ils sont en bonne santé, donc ils ne coûtent pas trop cher au système de santé. Là. Ouais. Mon quatrième point, ça, on en a parlé, j'en parlerai pas trop longtemps, c'est vraiment les travailleurs du savoir et de la nouvelle économie sont évidemment attirés, ces gens-là, bon, qui prônent souvent des valeurs de bonne santé, sont attirés par les installations de plein air, faire de la bicyclette, les pistes cyclables et tout ça, et c'est vraiment un facteur. Il y a une étude qui avait été faite en 98 par KPMG auprès de 1200 travailleurs et c'est un emploi qui était dans un milieu comme ça, ça augmentait de 33% là, l'attractivité de ça. Dernier point, je pense. Oui, c'est en fait, j'ai essayé de le traduire parce qu'évidemment, là, je bafouille un peu, mais ça a été tout traduit presque d'un article en anglais. Google? C'est, non. J'ai essayé de le faire... Prendre poignée et mettre... non, ils se sont améliorés. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est les acheteurs de maisons qui sont attirés par des milieux de vie. On le sait, quand on regarde on magasine une maison, souvent, c'est écrit près d'un parc, près d'un... C'est un argument de vente. Ouais, absolument. Ouais. Puis c'est pas quelque chose qui est lancé dans les airs. C'est tous les courtiers immobiliers puis les contracteurs américains aussi préconisent les parcs comme l'un des meilleurs investissements, c'est ça, pour attirer aussi les gens. Et ça se traduit en dollars aussi. En terminant deux études en 2001 par l'Association nationale des agents immobiliers, 57% des gens choisiraient une maison près des parcs, évidemment. Aussi, il y avait l'Association nationale des constructeurs d'habitation, 65% des acheteurs de domiciles. Ceux qui ont été interrogés, en fait, ont estimé que les parcs les influencent sérieusement pour déménager dans une communauté au lieu d'une autre. Et ils sont prêts, 48% sont prêts à payer plus pour vivre dans un quartier où il y a un parc. Donc, c'est vraiment pas négligeable. C'est quand même fascinant parce qu'il y a évidemment l'aspect de santé, de bien-être. Donc, ce côté-là d'un bord et de l'autre, même économiquement parlant, on sacrifie un bout de terrain. On pourrait dire, mon Dieu, c'est un endroit où on aurait pu mettre des tours à condos. C'est magnifique, ça. Mais non, c'est plus payant de sacrifier ce bout-là et pour la santé l'humeur et en plus pour la valeur. Donc, on fait plus d'argent au bout de compte. C'est fascinant. Puis les gens ont une meilleure qualité de vie, ils ont une meilleure santé parce que justement, ils vont marcher dans ces parcs-là. Mmh. Puis imaginez-vous, pas de plaine d'Abraham à Québec, ça serait impensable. Eh boy, non, ça serait pas pareil. Merci Isabelle. Ça marche, Doc. Il se passe quoi? Outre les passages de l'Université Laval que j'ai cru voir. Oui. En fait, là, aujourd'hui, c'était à l'Université Laval. Il y a un arbre qui a été planté. Il reste deux marches. En fait, celle du 19 mai, c'est à l'ancienne Lorette avec les chiens. Vous pouvez amener vos chiens. C'est toujours très populaire. Pitbull? Non, sauf les pitbulls. L'ancienne Lorette les interdit. Tu fais bien de le dire. Et la dernière, elle va être à l'Université Laval le 26 mai. Il y a une association avec l'Alliance Santé Québec où il va y avoir des conférences. Les émissions télé, c'est terminé, mais vous allez continuer de les revoir à ma TV. Vous allez me voir tout l'été avec mon manteau d'hiver à moins 30. Parce qu'ils sont en rediffusion, c'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on revient cet automne. Et là, on va débuter l'émission avec toutes sortes d'initiatives et de projets citoyens, des projets d'entreprise de verdissement. Ça va être vraiment ça le nœud de l'émission. Et on va finir parce qu'on s'appelle Ça marche Doc avec évidemment une entrevue avec un médecin qui va nous expliquer les liens qui existent comme d'habitude. Mais on revient en forme cet automne. Super. Merci beaucoup, Isabelle. On va tout de suite enchaîner, Jean-Claude, si tu permets, pour l'actualité parce qu'il est rendu. Il nous reste quelques minutes à peine. Choisis le premier sujet et choisis-le bien parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Ah, ben ce soir-là, je sais que c'est pas le sujet que tu aurais préféré. Moi, je parlerais de la publication par Piketty puis ses collègues. Préféré, c'est parce que je trouvais que ça méritait du temps. Mais allons-y. Je vais faire brièvement, je vais retirer. On reviendra au pays. Juste une information. C'est un rapport sur les inégalités mondiales qui vient d'être publié par Piketty puis quelques-uns de ses collègues. C'est un rapport publié à la fin 2017, mais pour 2018. Je vais sortir juste il y a quand même un résumé qui est intéressant de 25 pages à peu près avec plusieurs tableaux. Seulement qu'une information parce que le temps est rare. Moi, évidemment, Piketty parle à la fois des revenus et du capital, de la richesse. Moi, c'est toujours la richesse qui m'intéresse plus que les revenus. La montée du capital privé, le capital privé continue de monter à travers le monde, puis le capital public, les infrastructures publiques, dont les parcs, continue de baisser. À un point tel, c'est absolument fascinant dans un de ces tableaux, c'est que, disons, à l'espace d'une trentaine d'années, le capital public, les routes, les parcs, les hôpitaux, des trucs comme ça, c'est à peu près 100, c'est l'équivalent de 100% du PIB. Maintenant, au net, là, je veux dire, une fois que tu as enlevé la dépréciation puis les travaux de réfection que tu fasses, ça a baissé à peu près 0%. La valeur nette des infrastructures, du capital public, est tombé à zéro est tombé à nul. Par contre, une fois, c'est pas parce qu'il n'y a plus de route, mais c'est parce que les travaux qu'il faudra faire pour les mettre en état au net, donc on est rendu à zéro. Alors qu'évidemment, le capital privé lui a continué d'augmenter de façon importante. Ça varie selon un pays. Les pires pays, tenez-vous bien, c'est des pays comme l'Inde et la Chine, évidemment. Oui. Mais c'est ça, est-ce qu'on comprend des tableaux? D'ailleurs, je le mettrai, le document en lien sur le blog. C'est que ça s'arrange pas. Hein. Quand on parle des patrimoines, d'ailleurs, son livre, là, Le capital au 21e siècle, c'est beaucoup cette démonstration-là sur le temps. Puis ce que le tableau nous montre, c'est que ça n'a pas reviré de bord. Effectivement. Les choses vont de mal en pis. Voilà. Donc, ça s'enrichit en haut. Le 10% le plus fortuné s'en tire, ma foi, fort bien. Et ça n'a pas l'air de vouloir arrêter. Allons-y. Peut-être un petit truc là dans l'actualité. Je voudrais quand même te mentionner au passage hein, que notre C-Series, ça a planté, Jean-Claude. Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Non, mais ce qui m'a fasciné plus cette semaine avec les questions de Bombardier, c'est qu'en même temps, tu avais la C-Series, mais tu avais aussi en même temps le salaire du PDG. Là, tout à fait, c'est ça qui est fascinant. C'est la même journée dans l'actualité d'ailleurs. Oui, ça a piqué du nez dans le fond la C-Series et en même temps, on apprend que Bombardier, dirigeants sont les mieux payés. Donc, on a sorti la liste de ces patrons-là. Ça fait pas pitié, là. Donc, en tout cas, à ce moment-là, lui, il n'y a pas de prime au rendement. Mais quoique, moi, je trouve qu'on est peut-être qu'on est un petit peu sévère, là, puis on n'a peut-être pas la même opinion, toi et moi, là-dessus. Mais moi, je continue à croire quand même que de vendre à Airbus, c'est peut-être la façon de sauver nos billes. Mais peut-être que le gouvernement du Québec aurait pu investir différemment là, par rapport à ça. Plutôt que mettre tout de l'argent dans ces series, peut-être le mettre dans l'ensemble de Bombardier, ça aurait peut-être été une meilleure décision. Voilà, remarque, c'est facile à dire après, bien sûr. Là. Juste pour vous donner une petite idée, dans ce tableau-là des personnes les plus riches, le patron de Gildan, lui, juste pour vous donner une petite idée, là, il gagne 738 fois la moyenne parmi ses 50 000 employés. Tu sais, quand on dit que ça va va bien, là. C'est 738. Puis le deuxième, justement, de Couche-Tard, Anache, lui, c'est 513 fois. Tandis qu'Alain Bouchard, c'est seulement 237. C'est très difficile. C'est des gens qui en arrachent. Jean-Claude, question de la semaine pour terminer. La valeur, donc, du dollar canadien? Bien, tu sais, la réponse la plus simple, c'est le taux de change officiel. Il était à 78 cents, en fait, 77,7, je pense, en date d'hier, dollar américain. Donc, un dollar canadien s'échange pour à peu près 78 cents là, américains. Sauf que quand on parle de surestimation, de sous-estimation de la valeur, on fait référence, dans le fond, à la parité du pouvoir d'achat, qui est une notion qu'on entend depuis plusieurs années maintenant, qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux vraiment acheter avec le dollar? Puis ça ne correspond pas toujours au taux de change. Je vais prendre... Et dans ce cas-là, en termes de parité du pouvoir d'achat, c'est des données qu'on peut trouver sur le site de l'OCDE. Le dollar canadien serait sous-estimé de 3 % seulement. La Chine, le yuan ou renminbi, serait sous-estimé, lui, de 40 %. Donc, ça donne raison à Trump d'être outré par les politiques de manipulation de taux de change des Chinois. La Suisse, par contre, eux, sont surestimés de 23 %. Donc, le dollar et le franc suisse, là, il y a un déséquilibre. Si on a encore le temps pour... 20 secondes. Ah, je voulais juste dire en termes de Big Mac. Le Big Mac, l'indice Big Mac permet de comprendre cette notion-là. Il se vend 6,5 $ au Canada. Il se vend 5 canadiens, 5,28 US aux États-Unis. Le 6,5 $ vendu au Canada, converti-le en dollars américains, tu te ramasses à 5,26 US, donc c'est presque à parité. C'est-à-dire que le Big Mac n'est pas vraiment sous-évalué au Canada. C'est une grande, c'est une grosse nouvelle, c'est une nouvelle grâce. Merci Jean-Claude. À prix. Voilà ce qui termine notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup, Jean-Claude Cloutier, pour la collaboration, la recherche. Merci à Isabelle Vaillancourt pour la chronique. La semaine prochaine, on va parler de Karl Polanyi, hein, Jean-Claude? Quelque chose d'assez spécial la semaine prochaine. Oui, pour vrai, oui. C'est un homme fascinant qui a une capacité d'analyse pour le moins exceptionnelle de sa société. En fait, ça va nous permettre de montrer ce sera quoi la société s'il n'y a pas le capitalisme. Voilà, exactement. Donc, bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter en balado, visitez econophile.net. Merci et à bientôt.